The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feathered road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Game Ozo. Another second gone, I heard your man at home. Now you melatonin, but you acting young. Vous nous écoutez sur le 107 FM via internet ou sur appli gratuite pour smartphone. Coucou à tous. Et c'est le moment de se détendre dans la douceur de la bulle. C'est le moment bien-être comme on les aime. Et avec nous aujourd'hui pour nous accompagner dans ce voyage, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Andela, auteur, conférencier, etc., etc. Tu vas nous dire tout ça tout au long de cette émission. Maxime, bonjour. Bonjour Lia. Comment vas-tu? Super, et toi? Eh ben ça va très bien, je te remercie. Merci d'avoir accepté, eh bien, j'allais dire notre invitation, mais en fait, on s'est un petit peu rencontrés autrement. Voilà, tu as eu envie de nous parler de tout ce que tu vivais dans, voilà, dans ta vie et autres. Hein. Il se passe beaucoup de choses au sein de certaines de nos vies. C'est le cas dans la tienne. Alors, dis-moi, d'où viens-tu? Je suis originaire d'Épinal. Je suis né à Épinal. Oui. D'une famille, bon, je suis un peu métissé puisque mon papa est d'origine portugaise, ma d'accord, maman vosgienne. Ok, un beau mixage déjà. Oui. Hein? En plus, tu es un petit peu globe-trotteur, comme tu m'expliquais juste avant cette émission. Là, tu reviens d'ailleurs. Tu as fait beaucoup de voyages? Oui, alors je voyage depuis pas mal d'années. J'ai cette opportunité de pouvoir marcher et rencontrer de belles personnes, vivre de belles choses. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle je souhaitais venir vous partager tout ça. Ah bah c'est super, on est ravis de t'accueillir. Alors là, ça fait pas longtemps que tu es rentré en France. Tu te poses tranquillement. Il me semble que, donc, il me semble pas, j'en suis même sûre que tu as écrit différents ouvrages. On commence par quoi ? Disons que j'ai commencé à prendre la route d'une manière alors un petit peu plus profonde. Alors à mes 15 ans, j'ai commencé à voyager un peu comme un globe-trotteur effectivement. Oui. C'était surtout pour découvrir un peu le monde. D'accord. Puis en 2008, ma vie a un petit peu basculé puisque j'ai décidé de faire le choix de vivre la vie que je souhaitais vivre, tout simplement. D'accord. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui était qui était exceptionnel, qui était incroyable, qui a transformé ma vie. Et il m'a proposé de le suivre. Donc je l'ai suivi et j'ai pu, découvrir certaines facettes du monde, certaines facettes des réalités, oui, de la réalité, et voir le monde vraiment sous un angle bien différent. D'accord. Alors j'ai commencé à partir avec lui en Belgique et... disons que c'était quelqu'un qui était, on va dire, un peu éclairé, un peu illuminé. D'accord. Il incarnait une sagesse, une profondeur de l'âme à mes yeux que aujourd'hui je peux vous transmettre. D'accord. Il m'a fallu plusieurs années avant de pouvoir poser des mots sur ce que je venais de vivre. D'accord. Et disons que depuis, j'ai décidé de prendre la route tout seul avec cette profondeur. Et je suis aussi pèlerin de Compostelle, mais au-delà du simple fait de faire un pèlerinage de Compostelle... je souhaite surtout incarner une certaine vérité, une vérité bien plus profonde que ce que la réalité du monde moderne ou économique veut essayer de nous faire croire. D'accord, ok. Donc cette personne, tu faisais quoi avec elle au sein de ses voyages ? En fait, cette personne, elle s'est présentée d'une manière très simple. Quand je l'ai rencontrée, quand il est arrivé, donc ça s'est passé à Épinal. D'accord. Il s'est présenté comme ça. Il m'a dit « Bonjour, je m'appelle Fadiez, mes amis m'appellent ainsi parce que je suis proche du sol. » D'accord. Et j'ai commencé à entendre une autre manière de parler, une autre manière de voir le monde. Il m'a montré qu'il était possible d'incarner une sagesse, mais simple, quelque chose de simple et de bienveillant et d'utile pour tout le monde. Du coup, j'ai été frappé et très touché par la profondeur de ce qu'il exprimait depuis son cœur à travers des phrases très simples. Et il m'a proposé de le suivre, donc je l'ai suivi. Et ça a été un peu comme une initiation, en fait, quelque part. Mais en fait, c'était juste un citoyen du monde, quelqu'un qui était bien présent ici sur ce monde et bien conscient que le bien-être, que la paix, que vivre ensemble est possible dans quelque chose de très simple, au-delà de l'argent. D'accord. Donc j'ai suivi cette voie qui m'a indiqué. Mon rêve d'enfance a été de voyager. Et en fait, c'est quelqu'un qui venait de l'île de la Réunion. Il est parti à l'âge de 18 ans. Je l'ai rencontré, il en avait 40. Il avait traversé l'Afrique, l'Amérique latine, où il a rencontré des tribus amazoniennes. Oui. Et je l'ai rencontré à Épinal. Il partait finir ses jours en Inde. D'accord. Mais quelqu'un d'éclairé, vraiment quelqu'un d'incroyable. Donc là, il est parti en Inde ? Ouais. Et donc t'as pu... Plus de contact. Aïe. Quelqu'un qui n'a pas de téléphone, qui n'a pas de... tout ce genre de choses. Mais il y a des contacts qui se font autrement que par téléphone. Il y a les contacts avec l'âme. Et je pense que vous êtes toujours en contact tous les deux. Alors, tu as choisi de suivre un petit peu son chemin, sa façon un petit peu de voir et puis de transmettre les choses. Comment tu t'y es pris ? Donc t'as pris ton sac à nouveau ? Oui. En fait, il m'a montré des choses très simples. Il m'a juste montré, par sa simple présence, qu'il est possible de vivre ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de soi. On a tous quelque part un rêve. On aspire tous à une forme d'utopie, ou je dirais tout simplement à la simplicité, en fait, à des simplicités, des choses simples. Et se laisser vivre, ou laisser vivre plutôt ces choses simples, est à mes yeux, à l'heure actuelle, quelque chose d'essentiel, quelque chose d'important, qui nous ouvre vraiment à la vraie vie, à la nature, au monde. Alors, c'est pas quelque chose de bisounours ou d'artificiel, je parle vraiment juste d'être bien présent, d'être pleinement présent dans ce maintenant, ici. Et dans cette présence, en fait, on se rend compte que nous sommes bien plus simples que nos pensées, bien plus simples que ce qu'on a envie de faire, et qu'en fait, en s'en remettant à ça, à je dirais ce flux, eh bien, on facilite en fait notre vie. On s'attache moins à certaines choses qui sont peut-être éphémères ou peut-être pas si tangibles, pas si utiles que ça en fait. C'est sûr. On a tendance à se croire un petit peu immortel. Hein. On a l'impression que tout ce qu'on fait, c'est un petit peu pour toujours, alors qu'en fait, pas du tout. Le seul moment en fait, qui est vraiment réel, bah, c'est l'instant qu'on est en train de vivre, hein, tout simplement. C'est l'instant présent, comme tu le dis. C'est à la suite de cette rencontre et de ces voyages que tu as commencé à écrire, ou alors est-ce que tu avais commencé à écrire avant ? Alors, c'est assez particulier parce que finalement, il a servi un peu comme, ça a été un peu comme un accoucheur d'âme, quelqu'un qui m'a révélé quelque chose à l'intérieur de moi-même, parce qu'il le vivait lui-même. Et je pense, alors aujourd'hui justement, c'est ce que je propose à travers mon activité, à travers les textes, etc. C'est que, à un moment donné, on oublie un peu cette part d'enfant, cette magie de l'enfant. Oui. Et on se rend compte peut-être, à un moment donné, en tout cas il y a des personnes qui vont nous servir de révélateurs, ou bien des événements de notre vie qui vont nous révéler certaines choses. Toute notre vie, en fait, nous oriente vers la même chose. On a tous un rêve quand on était enfant. Pour ma part, ça a été d'être médecin du monde, de voyager. Et je me souviens, quand j'étais enfant, je prenais déjà un cahier, puis je voulais déjà écrire des contes, je voulais raconter des choses belles aux autres personnes. D'accord. Des vraies belles choses. Et effectivement, quand j'ai rencontré cette personne... Bah, il m'a fait toucher ma profondeur quelque part que je ne comprenais pas. Et pour pouvoir le partager avec d'autres personnes, j'ai trouvé très important le fait d'apprendre à le dire. Je me rendais compte que cette chose un peu invisible, cette chose qu'on n'arrive pas à palper, une sorte de mystère, je souhaitais le partager, je souhaitais le dire aux autres, parce que c'est quelque chose de vraiment magique. C'est la magie, c'est quand la magie. Du coup, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à parler un peu plus et échanger avec toutes les personnes que je rencontrais un peu partout, de ce qui s'était passé, etc. Puis surtout d'essayer d'échanger sur cette sagesse. Une sagesse très simple, quelque chose qui nous fait du bien, qui fait du bien à tout le monde. Et je considère que cette sagesse, elle est universelle, disponible par tous. Alors, à un moment donné, on aimerait essayer de communiquer sur des choses profondes et on n'arrive pas à le faire. Et en fait, à un moment donné, on ne réfléchit plus à ce qu'on doit dire ou à ce qu'on devrait dire ou comment dire les choses. On se laisse aller. Et en fait, comme tu le dis si bien, je pense qu'on parle avec son cœur, en fait. Et oui, ça c'est vrai. Est-ce que ton parcours scolaire ou familial t'avait amené un petit peu à tout ça, notamment à l'écriture, mais aussi peut-être à l'ouverture dont tu fais preuve d'esprit ? Est-ce que ça c'est quelque chose qui est en toi depuis toujours ? Oui, je pense que c'est un peu dans le sens là où justement je dis que Il y a quelque chose qui se passe depuis enfance, cette aspiration de l'enfant, ce rêve d'enfant. Et en fait, à un moment donné, on le perd. Mmh. On a tendance à perdre cette vision de l'instant présent, cette simplicité, cette magie. Et après, je pense que on a tous des qualités, des défauts, bien sûr, mais on a tous un talent. On a tous quelque chose en particulier. Mmh. Il est important de retrouver cette particularité-là. Parce que retrouver cette particularité-là ouvre les autres à leur propre particularité, leur propre singularité. Et on n'est pas tous violonistes, on n'est pas tous de très bons artisans dans les travaux manuels, etc. Mais il est question de retrouver son essence. Alors, il y a l'astrologie qui peut nous aider à faire ce genre de choses, par exemple. Mais je pense que le plus important, c'est de s'écouter soi-même et de ne pas oublier ce qu'il y a de beau à l'intérieur de soi, en fait. Parce mmh. qu'on n'a pas besoin de chercher les réponses à l'extérieur, tout est à l'intérieur de nous. Et quelque part, même si on l'a oublié, on sait déjà ce qu'on doit faire de mieux, ce qui va être utile pour notre bien-être et pour le bien-être collectif, j'ai envie de dire. Et ça peut toucher parfois des choses un peu artistiques. Donc pour ma part, c'est l'écriture, c'est aussi la communication, parce que j'ai ça, c'est inné, en fait. J'ai toujours été... bref. T'aimes bien parler avec les gens. Ouais, j'aime bien apprendre, en fait. J'aime bien partager et apprendre, mmh. j'avoue. Je trouve que ça m'enrichit à un niveau, justement, que l'argent ne peut pas faire, quoi. Ah bah, ça, c'est sûr. Est-ce que t'avais fait un petit peu des études littéraires pour t'aider à écrire, ou alors pas du tout? Non. Bon, après, à l'école, j'avoue, j'ai toujours bien écrit, en fait. Donc oui, ça a été une évidence. D'accord. C'était en toi bien avant que tu commences. Tu disais, quand tu étais petite, tu voulais déjà écrire des choses. Est-ce que tu avais déjà fait tes premiers pas en écriture très jeune? Non, justement, c'est pas forcément une question d'études. C'est vraiment, justement, c'est là où j'en viens, c'est que l'écriture, pour ma part, bon, c'est quelque chose, je sais pas, ça coule de source. Mmh. C'est quelque chose qui coule de source. Après... le plus important, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'écrire. Écrire pour écrire, bon, c'est une chose, mais vous avez tous quelque chose, en fait, c'est ça le message que je souhaite passer aujourd'hui, c'est qu'on a tous quelque chose en particulier. Je vous invite vraiment à le découvrir, parce qu'en découvrant ça, vous allez créer une harmonie, en fait, avec la nature, avec la vie. Vous allez aussi atteindre une certaine paix intérieure, parce que vous allez libérer vraiment votre créativité, ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous. Et pour ma part, oui, c'est l'écriture, c'est la communication, etc. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que je puisse partager des choses qui soient utiles, qui fassent du bien aux autres. Et ça, c'est pareil, une chose que j'ai depuis que je suis enfant, en fait. Prendre soin des autres, etc. Et on a tous quelque part cette magie-là, je pense. Faut pas avoir peur de se révéler, de se connaître soi-même pour se retrouver, entre guillemets. Hein ? Se découvrir. Voilà, c'est ça, se découvrir. Il aime bien jouer avec les mots, notre invité d'aujourd'hui, ça tombe bien, nous aussi. Alors, si tu veux bien, Maxime, on va se lancer dans une première bulle de son avant d'en savoir encore plus sur ton histoire, ton parcours et tout ce que tu proposes. Je te propose d'écouter un son de l'artiste Akilo pour Zine, et on se retrouve juste après. Thank you. Vous êtes toujours bien avec nous sur Radio Guémozo aujourd'hui dans la bulle pour nous accompagner dans ce voyage intemporel. Maxime, auteur, conférencier, globetrotteur, etc., etc. Alors comment tu te définirais un petit peu si c'est possible? En tout cas, qu'est-ce que tu fais vraiment? Quelle est ta vie? Je suis un citoyen du monde. Bonne réponse. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Est-ce que tu écris? Est-ce que, il me semble que tu fais beaucoup de choses. Alors, je ne sais pas trop par quoi commencer, mais tu proposes pas mal de choses. En ce moment, tu reviens seulement un petit peu dans les Vosges. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Alors, bon, je reviens en fait d'un an où je viens de vivre à La Réunion. Oui. J'ai eu la chance, pour la première fois, d'y aller, d'être invité pour des conférences. Voilà, d'accord. J'ai organisé deux fois 48 heures d'accord. de conférences avec des méditations, des partages, des repas en conscience, etc. L'idée okay. de ce que je propose, c'est qu'en fait, c'est prendre soin des autres, d'accord. Mais oui. C'est se réunir pour vivre des choses simples, essentielles. D'accord. Je propose ainsi des massages sonores, des méditations. Donc, c'est vrai que je recherche des collaborateurs pour organiser des événements ou participer à des événements, tout simplement. Oui. Je fais également des consultations individuelles parce que j'ai certaines facultés. D'accord. De magnétisme, de clairvoyance. Donc, j'accompagne, en fait, depuis presque 10 ans maintenant, des personnes en consultation individuelle. Et des conférences qui donc sont attrait à la spiritualité, à l'éveil, le bien-être. C'est ce dont je vous parle et que j'ai pu vivre qui m'a amené à lever certains voiles de ce monde. Eh bien, je les partage. Je partage ces facultés pour que peut-être d'autres puissent bénéficier de ces énergies vraiment bienfaisantes. D'accord. Alors, l'idée, c'est que on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Mmh. Il y a une cohérence à atteindre. Et c'est de là où je suis parti en fait en 2008. Aligner ce que je pensais, ce que je disais, ce que je faisais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des décalages. Et j'ai souhaité atténuer ces décalages. Et en fait, les personnes qui viennent me rencontrer, pour des consultations, même dans des conférences, viennent recevoir justement ce... C'est très compliqué à définir. Fais-le comme tu le penses. À mon sens, c'est la magie de la nature. À mon sens, c'est une médecine naturelle, quelque chose qui transcende, qui dépasse largement la médecine occidentale, qui est une médecine assez jeune, en fait. Voilà, c'est du magnétisme, des énergies qui nous ouvrent vraiment au monde, en fait, à d'autres réalités, voilà. Et j'accompagne les personnes à s'ouvrir à leur propre réalité, à leur propre multidimension, pour qu'ils puissent découvrir justement cette capacité d'auto-guérison, cette capacité à écouter son corps, interpréter ses messages, découvrir comment on peut se faire du bien, en fait, tout simplement. En fait. D'accord. Revenir à des choses simples. Ça s'apparente un petit peu au Reiki ? Oui, j'ai été... Bon, j'ai été initié pendant 3 ans auprès d'une personne. D'accord. En Reiki, bon, j'en parle pas, je le dis pas, quoi. D'accord. Mais oui, bon, le Reiki, c'est l'énergie universelle, c'est le chi. Oui. On parle ainsi des 5 éléments. Donc, bien prendre conscience qu'à l'intérieur de nous, nous sommes composés de systèmes énergétiques, d'atomes, de fréquences, de vibrations. Eh bien, en fait, c'est ce que je propose, me amène à redécouvrir ses réalités énergétiques, amène à redécouvrir son potentiel vibratoire et surtout à redécouvrir une chose essentielle à mes yeux, l'interdépendance. D'accord. Rien n'est séparé, tout est interdépendant. Et prendre conscience justement de notre macrocosme dans ce microcosme est essentiel pour que nous puissions, qu'importe ce que l'on fait, que l'on soit médecin, pompier, qu'importe, de bien prendre conscience de notre état humain, de la vie de l'être humain, dans ce monde, c'est retrouver ce lien sacré avec notre nature profonde, par la nature, redécouvrir sa sagesse, redécouvrir sa médecine. Tout est relié, on est tous liés les uns aux autres, et même notre chère nature et mère nature est reliée avec nous. Hein. On est tous ensemble dans la même énergie, et c'est vrai que ça fait du bien, parfois, même si on pouvait le faire très très souvent, d'un petit peu replonger dans toutes ces énergies un peu, j'aurais envie de dire primaires, mais c'est pas le cas, mais disons que c'est tellement intuitif et ça se fait tellement naturellement qu'on ne s'en rend pas compte, mais on est bien tous liés les uns aux autres et avec tout ce qui nous entoure. Alors tes conférences, elles parlent de tout ce dont tu viens de nous expliquer. Est-ce que au sein de tes conférences, tu parles parfois des textes que tu écris, ou alors c'est bien dissocié l'un de l'autre ? Eh bien en fait, c'est très simple de découvrir que la manière que je parle et la manière que j'écris, c'est la même chose. D'accord. Après, on ne peut pas parler de tout avec tout le monde. C'est vrai. Il y a pas mal de sujets sur lesquels je garde un peu ça pour moi, en fait. Voilà, j'en parle pas à tout le monde. Par contre, j'essaye surtout, quand j'échange avec d'autres personnes, d'être attentif de là où elle en est, pour lui transmettre ce qui lui est utile, et pas plus. Pas partir dans des trucs fouillis, etc. Ouais. Je suis pas là pour embrouiller les personnes, je suis pas là pour leur faire partir non plus dans des miroirs ou dans des fausses choses, dans des fausses croyances. Par contre, il y a une poésie de la nature, il y a une poésie de la vie, et le meilleur moyen de rendre, de transmettre cela, c'est de le faire de la même manière que la nature le fait. Et à mon sens, la poésie, c'est plus qu'un art, c'est une reliance profonde avec la nature. Alors oui, par exemple, je fais des conférences, je peux très bien prendre un texte, je prépare des textes, voilà, j'utilise cette partie des... C'est un peu aussi comme je fais sur mon pèlerinage, c'est que je marche sur la voie de Compostelle, mais j'aime bien sortir des sentiers battus, en fait. Comme je le dis, sortir des sentiers battus, c'est sortir des sentiers où il n'est pas nécessaire de se battre. Et en conférence, en consultation, je peux aussi bien partager des textes que j'écris, comme me laisser surtout inspirer. Voilà, je suis quelqu'un qui... Je suis un contemplatif, en fait. Je contemple la nature, et il y a une inspiration qui vient, et je ne peux pas l'expliquer. Si, je pourrais en parler, mais je ne cherche pas forcément à l'expliquer. Je souhaite juste vivre ce mystère avec d'autres personnes et m'entourer de personnes qui sont sensibles à cela, parce que davantage nous serons nombreux à nous éveiller à cette subtilité de la nature, de la vie, davantage on pourra permettre une harmonie avec tous les êtres, avec notre environnement, les animaux, l'eau, les éléments, etc., comme tu le dis. Mmh. Et nous sommes un ensemble cohérent, nous sommes la nature, nous sommes des entités qui nous déplaçons, mais nous sommes la nature en action, en fait. Et retrouver ce respect, ce lien est très très important, surtout à l'heure actuelle. Est-ce que tu as l'impression dans le monde, entre guillemets, dans lequel un peu nous vivons en ce moment, c'est encore facile d'avoir ce rapport-là tellement authentique avec les gens, ou est-ce que il y a des gens qui viennent à nous, hein, comme tu l'as dit, hein, sur nos routes, sans vraiment qu'on sache pourquoi, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. Est-ce que pour autant, quand on a envie de parler de tout ça avec certaines personnes, c'est toujours facile de le faire? Est-ce que ils sont encore sensibles, les humains d'aujourd'hui? Alors, je pense que cette problématique, c'est une problématique qui existe depuis toujours. Ça a toujours existé dans toutes les époques. D'accord. Il y a toujours eu des personnes, et d'ailleurs l'astrologie nous le présente. Il y a des personnes terre à terre, il y a des personnes un peu tête en l'air, j'ai envie de dire, un peu rêveuses. Oui. Bon, le truc, c'est que on a besoin de l'ensemble. On a besoin d'une cohabitation ensemble. Et on peut pas forcément parler avec tout le monde de ces sujets-là. Je le comprends, mais en général, c'est une... Alors, je ne vais pas dire une forme d'ignorance, c'est surtout une méconnaissance de la possibilité de vivre vraiment des choses à la fois belles sur un plan spirituel que sur un plan matériel, de manière totalement pragmatique, concrète. Nous pouvons, non pas transformer le monde, se changer soi-même, c'est sûr. Ça aura un impact sur tous les aspects de la vie en collectif, l'économie, la santé, etc., etc. Du coup, il est important d'en parler. Il y a un élan qui se fait, surtout dans l'époque dans laquelle nous nous trouvons. Selon certaines traditions, on nous dit que nous sommes proche de l'avènement de l'âge d'or, maintenant il va falloir s'entendre sur ce terme, c'est on accède beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement maintenant à ces réalités invisibles. Et peut-être que certaines personnes n'y ont pas encore accès, j'en suis bien d'accord, mais il va être question de bien comprendre que en nous alignant à cette sagesse de la nature, nous allons développer des moyens technologiques. Alors, sortir de sa zone de confort, c'est pas uniquement revenir à l'âge de pierre. C'est pas ça. C'est pas ça que je propose. Ce que je propose, c'est juste une interaction avec la nature qui va être vraiment bienveillante, qui va renforcer cette nature, qui va lui permettre d'être préservée et qu'on la respecte. Et il y a des applications concrètes, technologiques, qui seront possibles, qui sont possibles. Ce qu'on parle de technologie du futur sont en étroit rapport, justement, avec cette sagesse. Il est question de retrouver le sens naturel. Et c'est vrai que l'époque fait qu'avec tout ce goudron, tout ce macadam, etc., bon, on a tendance à... Et puis même la vie moderne, la vie quotidienne fait que bah, il faut aller travailler, payer ses factures, etc. Oui. Mais je pense qu'il y a une chose, il y a un paramètre essentiel qu'on oublie là. C'est notre propre bien-être. Notre propre bien-être. Vraiment le fait d'être en harmonie avec soi-même et son environnement. Oui. Voilà. Et cette possibilité surtout de vivre ensemble, tous, tout le monde, d'avoir une possibilité d'harmonie ensemble. Et ça, j'en suis convaincu parce que cette sagesse nous ouvre à la différence d'autrui et nous permet non pas d'être d'accord ou de dire j'aime tout le monde, c'est pas ça, mais par contre de l'accueillir dans sa différence et de reconnaître que la différence est quelque chose d'utile, et c'est l'une des plus grandes richesses sur notre planète. En tout cas, dans notre monde humain, c'est une très grande richesse. Bah dis donc, tu nous en dis des belles choses aujourd'hui. Ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qui s'exprime avec son cœur comme ça, avec son âme. Ça passe un message tout de suite complètement différent. Merci beaucoup à toi d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, si tu le veux bien, et on va se lancer dans notre deuxième bulle de son avec un son de Tusks pour Last. Et on se retrouve juste après. Vous êtes toujours dans la bulle avec aujourd'hui notre invité Maxime Andella pour nous parler eh bien, de plein de choses, mais surtout eh bien, du langage universel qui restera l'amour pour nous tous, hein, l'amour des uns et des autres, et puis et notre, voilà, notre total... Voilà, je symbiose avec tout ce qui nous entoure et tout ce qu'on en pense, vous le savez bien, ça c'est sûr. Tu es tombé juste au bon endroit, pile poil dans la bulle de l'IA pour nous parler de tout ça. Moi je suis ravie que tu sois ici avec moi aujourd'hui. Alors on a un petit peu compris que tu étais auteur, conférencier, il y a plein de choses que tu partages. Tu as écrit un ouvrage se nommant « Le chant du pèlerin ». Tu l'as écrit quand ce livre ? Ça a été des inspirations lors de mon pèlerinage sur Compostelle. D'accord. Alors, dès qu'il se passait des choses un peu particulières sur lesquelles il y avait des belles rencontres ou des apprentissages de la vie. Ouais. Ou juste comme tout à l'heure là, à l'église de Saint-Étienne, je suis arrivé tout à l'heure et il y avait une nuée d'hirondelles. Donc j'ai écrit un petit poème. D'accord. Et j'ai trouvé ça très inspirant qu'à Saint-Étienne les Remiremont, il y ait des hirondelles juste au niveau de l'église. J'ai trouvé ça magique. D'accord. Donc je me suis posé et j'ai accueilli ces énergies, tout simplement. Ça, donc, c'est chouette. Voilà comment que j'écris. D'accord, ok. Tu l'as fait quand, ce chemin de Jacques de Compostelle ? Je ne je l'ai pas fait en entier encore. La partie espagnole me manque. D'accord. Mais disons que je suis sur les routes depuis pas mal d'années. J'ai fait les trois chemins. Voilà, j'ai eu le temps de marcher sur les trois chemins, donc la voie de Compostelle est une voie ancienne et initiatique. C'est la voie lactée qui est représentée par Compostelle, la Compostella. C'est une voie alchimique en fait. D'accord. Et on connaît très mal ce chemin. Oui, oui. Donc du coup, on peut le faire en plusieurs fois, ce chemin. La tradition voudrait que tu partes de la grande place de Bruxelles et que tu descendes jusque, que tu rejoignes Saint-Jacques. Et la tradition voudrait aussi que tu le fasses à pied et que tu reviennes à pied jusque là-bas. Donc ça, il faudrait 4 mois pour le faire. Maintenant, la voie de Compostelle, en ce moment, c'est un peu une voie commerciale et touristique aussi. D'accord. Faut payer les hébergements, etc. Bon, c'est intéressant, mais... La tradition ne fonctionnait pas comme ça à la base. Mmh. Voilà, c'était des sages qui faisaient surtout confiance non pas à leurs propres ressources, mais en ce lien qu'ils pouvaient avoir avec cette énergie créatrice, cette énergie universelle qui fait tenir les planètes, qui fait qu'aujourd'hui on est vivant. Il y a un vrai apprentissage. D'accord. Tu t'es laissé inspirer tout au long de ce chemin, enfin, de la façon dont toi tu as décidé de le faire en tout cas. Et ça, chacun est bien libre de faire les choses comme il l'entend et de s'écouter encore une fois soi-même. Hein. C'est un petit peu le message que tu nous donnais tout à l'heure. Toi, tu as choisi de le faire en plusieurs fois. Du coup, tu t'es inspiré ou alors tu t'es laissé emporter par tout ce qui t'a entouré à ce moment-là et de là est né ton livre ? Oui, alors j'étudie beaucoup aussi. D'accord. J'étudie beaucoup les anciennes traditions, puisque je me suis rendu compte, surtout quand j'ai vécu cette seconde naissance en 2008, que les seuls interlocuteurs que je pouvais trouver se trouvaient dans des livres antiques, dans des vieux livres. D'accord. Et que ça soit des rêves ou des flashs ou des choses comme ça, des synchronicités, les seules personnes qui les vivaient... Je l'ai retrouvé dans des livres par hasard, des livres égyptiens, des livres un peu partout. Et je suis très attentif et j'étudie beaucoup toutes ces connaissances sacrées en fait. Aussi bien l'astrologie, aussi bien... Voilà, il y a beaucoup de choses en fait que j'étudie. Et c'est un peu un ensemble. Alors le livre que j'ai écrit, Le chant du pèlerin, est assez particulier. Il ne va pas forcément être accessible par tous parce que... C'est ce genre de livre que vous allez lire. Et c'est une forme poétique, c'est initiatique, puisque à certains moments clés de ma vie, à certains endroits bien précis, il s'est passé des choses, et c'est un peu comme si je mettais ces semences par écrit. D'accord. Sous forme poétique, sous forme de dessin, sous forme de mandala, etc. Et il y a quelques clés à connaître pour pouvoir le lire, en fait. D'accord. Tu les donnes, ces clés, ou alors c'est à nous de les trouver Je suis déjà en train d'en parler. D'accord, ok, super. Donc du coup, c'est vraiment la poésie qui... C'est par la poésie que tu réussis le mieux à... En fait, que tu choisis de passer tes messages. Pourquoi cette forme, un petit peu? Est-ce que c'est toi qui as choisi, ou alors ça s'impose un peu à toi, cette forme d'écriture? En alchimie, on dit de signifier les choses. On parle de la langue des oiseaux, d'accord, cette langue subtile. La langue des oiseaux, c'est cette particularité du langage qui nous permet de lire. Par exemple, quand je vous parle du mot essentiel, c'est l'essence du ciel. Mmh. Il y a plusieurs clés comme celle-ci pour lire les textes alchimiques, pour lire les cathédrales, pour lire ces livres antiques. Quelqu'un qui est attentif par intuition... et qui est bien connecté à la terre, bien connecté à la nature, et aussi aux autres, aux autres êtres, va se rendre compte d'une possibilité de voir les choses d'une autre manière. Du coup, la nature, en fait, c'est pas une vérité à saisir, c'est un mystère à vivre. La forme poétique, ainsi, est la plus appropriée à mon sens. D'accord. Pour faire passer des messages, pour répandre vraiment des idées. Après, bien sûr, il y a la forme, comme par exemple cette langue des oiseaux, que l'on dit la langue de Merlin, la ouais. langue de Merlois. Cette possibilité de voir le monde au-delà du voile, d'une autre manière, d'un autre point de vue. Et d'ailleurs, je trouve assez fascinant, c'est très intéressant aussi d'être né à Épinal. Regardez, je vais vous en donner un par rapport à Épinal. Oui. Épinal. Il y a un château qui est posé sur ce que l'on appelle une épine. D'accord. D'ailleurs, alors, c'est assez incroyable parce que le rocher, c'est une épine et il y a le château. Le château représente la couronne, la lumière. Et il est posé sur une épine. Dans la tradition hindoue, on parle des chakras et on parle justement de cette élévation des centres énergétiques qui remontent le long de l'épine dorsale pour atteindre le chakra coronal. Donc le chakra coronal, c'est cette matière qui s'élève vers le spirituel, donc de l'épais au subtil. Eh bien, que ça soit en France, que ça soit en Chine, que ça soit partout dans le monde, il y a une sagesse qui perdure, qui est universelle, qui a été cryptée, et il y a certaines clés pour les lire. Et d'ailleurs, c'est assez surprenant de découvrir que épinal, c'est l'anagramme de pinéal, la glande pinéale. D'ailleurs, quand on regarde les images d'épinal, eh bien, c'est bien ce que je suis en train de parler, c'est qu'il est question de voir l'image, mais d'un autre point de vue, d'une autre manière. Et c'est toute cette subtilité, toute cette science-là, qui est très intéressante à découvrir. C'est le subliminal. Ouais, il y a cette notion. Ça, c'est chouette. Est-ce que tu t'inspires beaucoup est-ce que tu t'es retrouvé un peu dans cette culture hindouiste par rapport à tout ce que tu as pu ressentir dans ta vie? Là où j'ai été touché par cette tradition, donc on va dire bouddhiste, hindouiste, de cette partie orientale. Je vais le présenter d'une autre manière. Je vais le présenter d'une autre manière. Merlin, quand il adoubait les chevaliers, il mettait un coup d'épée sur l'épaule gauche et sur l'épaule droite. Ouais. Les épaules, ce sont des clavicules. Il tape sur les clavicules. Les clavicules, c'est une clé. Il ouvre la porte d'Orient et d'Occident. D'accord. Là où la lumière se lève. Il y a une vraie tradition par rapport à ça. Le chemin de Compostelle en est aussi une des inscriptions. J'ai été touché, justement, je ne sais pas, quand j'avais 20 ans, finalement, quand je faisais la fête avec les copains, voilà, dans les forêts vosgiennes, avec les amis. J'en avais marre de voir des Bouddhas, de voir des dieux éléphants, etc. Et je voulais vraiment comprendre de quoi il était question. Oui. Et j'ai été creusé un peu. J'ai creusé. Et en fait, je me suis rendu compte que ça soit religion chrétienne ou cette religion en particulier, c'est pas les mêmes visages, mais c'est le même langage, c'est le même message. Alors oui, j'ai vécu quelque chose très important dans ma vie en 2008 qui m'a vraiment rapproché de ces messages initiatiques, de ces messages même religieux, mais au-delà de la religion, en delà de la religion, il y a un message, il y a une quintessence à extraire et j'en suis très sensible en fait. J'en suis très sensible. Alors, les mantras, les chants sacrés, les bols tibétains également. Alors, j'utilise des bols tibétains pour faire des massages sonores, par exemple. Oui. Tout ça constitue des possibilités de nous guérir à tous les niveaux, aussi bien physique que mental, qu'émotionnel, etc. Il y a une connaissance, il y a des choses intéressantes à aller voir de ce côté-là. Et en tout cas, j'invite tous les auditeurs à découvrir ça par eux-mêmes surtout. D'accord. Eh ben, avant d'en savoir plus sur toutes tes connaissances et puis tout ce que tu proposes, tu nous parlais de massage sonore par exemple. On va se lancer tout simplement dans notre dernière bulle de son. Alors, cette émission elle est passée à toute vitesse, j'ai pas compris, avec toi Maxime et nos auditeurs. On va écouter The Samaritan de Yatta et on se retrouve juste après. Nous sommes toujours en plein voyage dans la bulle avec notre invité aujourd'hui, Maxime Andella, leur auteur, conférencier, etc. etc. Je ne sais même plus, et puis c'est pas bien des fois de nommer ce que les gens font ou sont, hein. On peut être soi, tout simplement. Hein. Maxime, Maxime, voilà. Alors, tu as écrit des ouvrages, tu as fait des conférences, c'est toujours encore le cas, mais comme tu nous le disais juste avant notre dernière bulle de son, tu proposes par exemple des massages sonores au bol de cristal ou tibétain, ça te vient d'où un peu ça? Tu le fais de façon intuitive ou alors tu as appris à le faire d'une façon ou d'une autre? Pour le massage sonore, non, c'est quelque chose qui s'est présenté un peu naturellement. Ouais. Voilà, je le faisais surtout pour méditer, parce D'accord. que je médite et voilà, j'utilisais ça pour méditer. Ok, donc du coup tu proposes des méditations avec ce support? Oui. Je sais pas, je propose des méditations au didgeridoo, un peu de tambour chamanique aussi. D'accord. Un bol en cristal, un bol tibétain, donc je dois récupérer le bol tibétain. Mais sinon, bah oui, j'accueille des personnes pour des séances de magnétisme, surtout. D'accord. Des soins, alors pour des cas concrets, des vrais problèmes de santé, hein. Aussi pour des guidances, voilà, des guidances pour des flashs sur le futur ou autre. Disons que la clairvoyance... Et le magnétisme, c'est pas juste connaître les chiffres du loto ou connaître son futur partenaire amoureux. Oui. C'est une possibilité de nous ancrer dans l'instant présent. D'accord. À mon sens. Donc ça, tu le proposes Alors, je le propose. Alors, j'avais un cabinet dans les Charentes. Là, je viens d'arriver, ça fait quoi, 2-3 mois que je suis dans le coin d'Épinal. Je suis en train de me réinstaller. Je fais des consultations à distance. Pas de problème, ça fonctionne très bien. D'accord. Sinon, bah voilà, je vais à présent vraiment. En fait, là, je commence à me lancer davantage pour des événements locaux. Oui. J'aimerais apporter ma pierre à l'édifice. Oui. Tout ça, tout ce qui m'est possible de comprendre et de vivre, bah, l'apporter à cette belle région, à ces beaux départements des Vosges. Alors, je me laisse guider, voilà, je laisse le hasard faire les choses et il le fait bien en général. Ah oui, il le fait bien, oui. La preuve aujourd'hui. Bon, ça, c'est gentil, ça. du coup, tu aimerais rencontrer un petit peu des gens qui pourraient partager un peu tout ça avec toi sur des événements où tu pourrais rencontrer d'autres gens. Oui, oui. Bon, j'ai des propositions qui se font. Voilà, j'ai des propositions. Après, bon, je réponds pas à toutes les propositions non plus. Faut vraiment que je ressente l'appel aussi. S'il y a un appel, oui. C'est pas une question de faire de la publicité. C'est pas une question de tout ça. Faut que ça vibre. Si ça vibre, ouais. En général, ça apporte des belles choses. D'accord. Après, si on force... voilà, moi, je considère qu'il faut pas forcer les choses. C'est autre chose, c'est faire. Sûr. Du coup, si tu mettais un petit peu ta pierre à l'édifice au niveau local, qu'est-ce que tu envisagerais de faire? Ça serait plutôt à quel niveau? Des possibilités justement de faire à plusieurs niveaux. Ce que je propose, c'est à la fois pour... alors ça peut être pour des projets. Je peux accompagner des projets, je peux aussi travailler auprès des enfants, auprès des animaux, organiser des événements, etc. Mais... j'ai pas mal de cordes à mon arc en fait. D'accord. Et sur pas mal de sujets que j'approfondis, une possibilité alors à la fois de travailler avec les enfants, de faire des vraies séances de magnétisme même collective, de faire des méditations collectives, etc. Proposer des conférences sur plusieurs thèmes, tout ce qui aura attrait à la santé, donc la santé de l'habitat, la santé des projets, des entreprises, des êtres, etc., etc. Tout ce qui aura trait avec le fait de mieux être. Donc je suis assez large dans les domaines finalement. De toute façon, c'est ce que je fais déjà. Voilà. Je fais déjà des consultations parfois auprès des enfants, auprès des animaux, auprès des maisons, à plusieurs niveaux. J'ai des sensibilités qui me permettent d'avoir un éventail assez large en fait dans mon activité. Alors résumé comme ça, c'est vrai que c'est un peu particulier. Mais je pense que j'ai réussi à le présenter la chose du mieux possible. Mais oui, tu t'es très bien débrouillé. T'as une première pour toi aujourd'hui à la radio. Hein, c'est pas toujours facile, mais tu t'en es très très bien sorti, y a aucun problème, ne t'inquiète pas là-dessus. Si on veut te retrouver sur internet, on peut le faire via ta page Facebook, Andella-auteur-conférencier guérison, c'est ça? Oui. Alors, Andela, j'insiste sur le H, hein, H-A-N-D-E-L-A. De toute façon, on remettra tout ça avec le podcast de notre émission d'aujourd'hui. Cette émission elle sera rediffusée pour les couches tard à minuit sur le 107FM. Elle sera également présente, bien sûr, sur notre site internet et notre page Facebook. Alors, justement, toi, sur ta page Facebook, on peut te retrouver, par exemple, en vidéo. Ça t'arrive de faire des vidéos pour parler de sujets et d'autres ? Et petite capsule, oui. Petite capsule ? Oui. Ah bah c'est bien, entre la bulle et la capsule, on va réussir à faire quelque chose. Du coup, dans tes capsules, que s'y passe-t-il ? Tu choisis un sujet et puis tu le développes ? Je me laisse inspirer. Je me laisse inspirer sur pas mal de choses. Alors, ça peut être, par exemple... ça peut être des sujets ou des thèmes en particulier. Ça peut être aussi... comment dire, bon, en toute simplicité, il y a des énergies qui nous traversent, voilà, il y a des forces qui nous traversent selon certaines périodes, par exemple que ce soit en plein été ou en plein hiver, il y a des énergies qui évoluent, des astres qui bougent et qui ont une influence sur la Terre, sur l'ambiance, sur les humeurs, sur les comportements. Je suis très sensible à ça et je canalise en fait des messages qui me permettent justement de décoder, de décrypter un peu dans quel état nous nous trouvons. Par exemple, des fois, ça peut m'arriver, sans avoir à regarder l'astronomie, etc., de savoir quelle planète est en train de transiter au-dessus de la tête. Voilà. D'accord. Et cette capacité innée d'exprimer l'impact que ça a. Alors ça peut être des choses comme ça, ça peut être des méditations, ça peut être... Mais je fais des conférences, en fait, je me laisse inspirer sur des choses qui vont... faire du bien, tout simplement. En général, ça fait du bien. Les personnes, quand elles m'écoutent, même quand elles sont près de moi, etc., elles sentent un bien-être, elles ne savent pas pourquoi. Et ben, voilà. je peux en parler sur plusieurs niveaux, en fait. D'accord. Donc, c'est comme un apaisement, en fait, de tout ça. Et c'est pour faire du bien. Et ben, nous, on aime bien, hein, on aime bien se faire du bien. Donc, ça tombe bien. Voilà. En tout cas, j'ai été ravie de partager cette émission avec toi. Alors, est-ce que tu te sens de lire un petit quelque chose que tu aurais écrit ? Bon, écoutez, alors, je pense que je peux vous proposer le petit poème qui m'a inspiré. Eh ben oui, les hirondelles au-dessus de l'église, c'est ça ? Pardon ? C'est ce qui t'a été inspiré par les hirondelles au-dessus de l'église ? Voilà, exactement, de on va dire ça comme ça. Ben c'est chouette, c'est chouette. Les hirondelles de Saint-Étienne-lès-Miremont m'ont inspiré par leur envol, ce petit message. Pardon. Donc, jouer comme les hirondelles, à faire des rondes dans le ciel, effleurant le temple des âmes, en chantant l'oriflamme. Feu du ciel et feu de terre, en ce vallon entouré de verre, font resplendir l'arche des anges, on sait, nul les dérange. Il est une magie invisible, pourtant pour elle, elle est lisible. Esprit flottant des montagnes, note du clocher, elle s'y joigne. Bravo, c'était super beau et très apaisant. C'est vrai que tu as une voix, quand tu parles, ça nous fait beaucoup de bien. Merci encore à Maxime d'être venu jusqu'à la bulle pour partager un moment hors du temps, parler entre autres de ces capsules que tu proposes. C'était quand même assez marrant, cette petite transition. Si on veut retrouver, par exemple, ton ouvrage Le Chant du Pèlerin, on peut encore le lire ? Est-ce qu'on peut encore le trouver quelque sûr. Part ? Oui, vous pouvez le trouver sur Internet, mais je vous conseille plutôt de découvrir le prochain petit livret qui va sortir là dans les jours. Ouais. Il est en cours de finalisation, ça y est. Je vais sortir des petits livrets de toute façon pour les personnes qui sont intéressées. J'écris des textes. D'accord. Je fais des petites capsules vidéo. Pour Le Chant du Pèlerin, vous pouvez le retrouver sur Amazon, sur Cultura, etc. Bon, alors, peut-être pas en boutique, ouais. Plutôt par internet, puisque je suis sur commande. Un jeune auteur. Ouais. mais oui, voilà. Okay. Je vous conseille fortement le prochain livret. Eh ben voilà. De toute façon, je suppose que sur ta page Facebook, ça que tu en parles un petit peu. Mm-hmm. Et du toujours coup, d'actualité. Voilà, toujours d'actualité. Donc, pas de raison pour ne pas te retrouver. Handela, H-A-N-D-E-L-A, auteur conférencier guérison. Ça, c'est sur la page internet que vous retrouverez tous les renseignements. Et si vous avez envie de suivre eh bien, un petit peu ce que Maxime fait, ses messages et tout ce qu'il propose. Encore mille fois, merci à toi d'être venu parmi nous aujourd'hui et puis une très bonne route pour la suite à toi en tout cas. Merci Lia. Mais de rien. Quant à nos auditeurs, oula, j'en perds ma voix, dis donc. On se retrouve demain et puis en attendant, bah, n'oubliez pas, c'est comme tous les jours, hein, bonheur, joie et rire à tous. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin. But you acting young, and you hella grown.